Thank you. connaître monsieur là et madame là. Tous les jours qu'on bon Dieu fait jour, je suis les qui font des doudous. Tous les jours qu'on mange poisson, ça vient chaud à d'un coup bouillon. Pas même pas les pousser pour yola, côté monsieur piment toujours là. Même monsieur qui chef en dit dans là, revenez tête à ces poissons là. Et madame Bija là c'est monsieur, profitez vous faire une méchanceté. Madame est sur les quais, mais il pas trouvé poisson qui devait. Il a acheté des kilos de tchatcha, et contre le jour, il fait sauce là. Les a mangé, vini, monsieur était absent, madame l'a mangé à 14 ans. Il quittait ses têtes là pour monsieur, parce que c'est ça, il bien aimé. Les monsieur entrait tout fatigué, il m'a dit madame si pour manger. Madame l'a servi ses poyola, sans oublier tête à ses tchatcha là. Les monsieur entrait tout fatigué, il m'a dit madame si pour manger. Madame l'a servi ses poyola. Sans oublier d'être assez tcha-tcha là. oye bubera, ritmo te invita pa bailar. Mira cómo va, ritmo sabroso te invita a bailar, ritmo sabroso te invita a gozar, ritmo sabroso te invita a bailar, ritmo sabroso te invita a gozar. Ah, ah, ah, ah. gozar, maquinita, ven. Bahía, ven, a gozar, maquinita, ven. Mi madre mía, mi verdad, yo canto siento cazuela. Mi madre mía, mi verdad, yo canto siento cazuela. Pero no te digo la loma y los flores. Bahía, ven, a gozar, maquinita, ven. Soy un canto negro de la madrugada.

الجزائر قلبي ضرب مني نشافك Beep, beep, beep.

I so good ass my bottle for all. I bottle for all, Chevora. Chevora Jordan and Ograino. Chevora Jordan, the Chia. Chevora Pasho, Daro Mino. Murray Lodu Halama. For a big old never, never measure. Kuramen so take it up. Pasveto me parano prođava. Murray Lodu Halama. And I will never hassle Baba. Ah, yes, so take it up. The silver plane now will be letting. Only one day, only one time. Call your best friend, let's take him with us. Oh, so take it up. Antonio Space, Antonio Time.